Kasumai kutiom di kulino min jomone safol mi kamerika janten radio tanduk online di l'émission yanemi la voix des jeunes buron si kambano jat ola ko ke mandu lañi lalo tate comme d'habitude mais jat du baja ba invité spécial omi madame Diouf omo owarungum l'association yankulobe mi kabonketor yoyo jigen shor kami di kayeg mata mbika soumay ku leñul bo babu bolo lal donc o ami jatate sur le plateau avec aussi madame Dramé panku jo manu mikel mata buroka kam kombondi bo babu Casamance pour la paix mais en même temps nu djukal pop bu kanako kangole mi ku kanto kangena koli man ku ngolen ku rambeni po man ku rambeno lal parce que karambe nor jaat kané ñaat ci mit kabanandi ku ngén ola ko ku ri waf wandu fasé usumut anosan mais engess mandu bilale kan mbuy u puratori ka soumay bané mi tekan ka soumay ko ri ko badjo donc je disais tout à l'heure que nous avons deux invités aujourd'hui qui vont nous parler de la paix en Casamance. C'est principalement madame Diouf qui est la présidente de l'association Karambe Nord, c'est un regroupement de femmes qui est basé à Jigenshor. Dans notre entrevue, donc on va parler des perspectives de la paix en Casamance et surtout elle va nous présenter leur organisation, l'œuvre et les démarches qu'elles sont en train de faire au niveau de Jigenshor, de la Casamance, la grande région de la Casamance, pour donc ce que nous souhaitons tous avoir, la paix en Casamance. Donc je vais aller comme ça vous laisser Madame Diédiou qui va donc se présenter, Khadijatou Diédiou, née Madame Diouf. Elle va se présenter à l'auditoire et au passage je vous signalerai que nous avons Mamadou Lamine Diémé Modoula depuis Bignona sur le plateau aussi avec nous et qui va certainement intervenir au moment venu. Madame Diouf, bonjour. Bonjour, Monsieur Diémé. Voilà, donc je disais tout à l'heure, d'abord on vous souhaite la bienvenue à Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes Burunsi Kambano. Une émission qui est pour des auditeurs en grande majorité de la diaspora, mais aussi nous avons des auditeurs au niveau du Sénégal et principalement en Casamance. D'ailleurs, je disais tout à l'heure l'exemple de Mamadou Lamine Diémé qui est notre représentant à Bignona. Je vais vous laisser présenter vous-même et en même temps présenter donc votre organisme Kabonketor aux auditeurs. Et puis on va donc faire l'entrevue. Allez-y. Voilà, donc merci Monsieur Diémé. Et pour commencer, je salue les auditeurs de votre émission. Et vous saluez vous-même pour nous avoir donné l'occasion à partir des États-Unis pour intervenir dans votre émission. Et donc, je veux dire que je me présente, je suis Madame Diouf, née Khadija Diédiou. Je suis de l'association Kabonketor, mais je suis la coordinatrice de Kabonketor. Parce que Kabonketor, nous sommes une association régionale des femmes pour la recherche de la paix. D'où donc, il y a une présidente nommée Madame Kenny, Marguerite Kony Kenny. Et il y a comme secrétariat exécutif, dirigé par moi-même, qui vous parle. Et ensuite, c'est ainsi que Kamunketo est composé. Voilà, donc, comme je vous le disais tantôt, Kamunketo est une association et une organisation de femmes, dénommée Association régionale de la recherche de la paix en Casamance. Kamunketo, donc, est né dans les années 1981, au moment où vraiment il y avait un véritable conflit en Casamance. Et donc, les forces sont organisées pour quand même contribuer à faire revenir la paix en Casamance. Comme vous le savez, dans notre tradition de l'art, les femmes ont une place très importante dans notre communauté. Donc, c'est ce qui a fait que quand il y a des tablités, en général, les forces aides, les carnets s'organisent, en général, le problème est résolu. Madame Dieu. La France, les femmes-là, comme sont organisées. Allô? Pour dire qu'il faut une bague, il faut que le conflit s'arrête. Le plus loin, nous intervenons. En aucun sens, dans beaucoup de domaines. Mais il faut dire que notre objectif, c'est de contribuer à la consécration de la paix par le rapprochement de toutes les parties prenantes pour une solution réussie au développement de la République. Oh, chers auditeurs, on s'excuse, on a eu une interruption involontaire. Allô? Allô, votre connexion là ne marche pas bien ou bien? Oui, je m'excuse très fortement. On était, parce qu'il y a un auditeur qui a appelé tout de suite, c'est rentré. Je voulais le sortir, je me suis trompé. C'est moi qui vous ai enlevé sans par mégarde. Je m'excuse, chers auditeurs, c'est une erreur technique. Et vous avez Madame Diédiou qui est de retour. S'il vous plaît, Madame Diouf, s'il vous plaît, si vous pouvez donc reprendre un tout petit peu et continuer. Merci. Allez-y. Voilà, donc je m'en vais reprendre un peu. Oui, je m'excuse. On s'excuse. Ouais. C'est ça, allez-y. Voilà, donc je disais que je me présente, que j'étais Madame Diouf, née Khadija Diédiou. Je suis de l'association Kabonketor. Donc, Kabonketor est une structure de femmes, association dénommée Association régionale des femmes pour la recherche de la paix. Kabonketor, c'est Anjola. Anjola, Kabonketor, c'est se pardonner. C'est ça. Voilà. Donc, l'association est dirigée par Madame Kenny, qui est la présidente. Et moi, donc, je coordonne les activités de projet. Voilà, c'est cet éclaircissement que je voulais faire. Je disais tantôt que l'objectif général de cette association, cette association est née en 1999. Après, donc, lors de ce conflit, bien sûr, je rappelais un peu que la place de la femme en milieu Djola était très importante dans notre communauté. Et c'est ce qui explique un peu notre intervention. Parce que chez nous, nous savons bien que quand il y a des calamités dans notre localité, en général, c'est les femmes qui se lèvent. Et quand elles se lèvent, le conflit est réglé. Voilà, c'est dans ce sens que les femmes de la Casamance sont organisées autour de cette association dénommée Kabonketo, pour un peu intervenir dans le cadre de la paix en Casamance. Merci. Donc, si je comprends bien, vous avez dit, donc la présidente, elle s'appelle Madame Kenny. Madame Kenny Marguerite Kony. Ok, merci beaucoup. Et vous, vous êtes la coordinatrice. Maintenant, je suis la coordinatrice. Ok. Maintenant, Khadijatou, quels sont les plus grands actes que vous avez posés, par exemple, depuis la naissance de votre association jusqu'à présent? Allô? Madame Diédou, je disais... J'ai l'impression que le réseau ne marche pas aujourd'hui. Oui, moi je vous entendais bien. Je disais, quels sont les actes que vous avez posés à travers la région depuis donc la naissance de votre association? D'abord, je m'en vais vous expliquer, vous parler de notre objectif global, peut-être par rapport à ça, et ensuite revenir sur les actes. Allez-y. Actions que nous avons eu à mener dans la région. Allez-y. Donc, notre objectif global, c'est de contribuer à la consolidation de la paix par le rapprochement de toutes les parties prenantes au conflit pour une solution négociée et au développement de la Casamance dans le respect des droits des populations. C'est donc ça l'objectif global de cette organisation. Quant au axes que nous avons posés, en quelque sorte, c'est nos activités que nous avons eu à mener. C'est ça. Depuis que cette association est née, nous avons mené beaucoup d'activités dans divers domaines. Parce qu'il faut dire que quand nous sommes arrivés, quand même, en tant que femmes, nous avons voulu faire du toucher à tout. Et c'est seulement après que nous nous sommes réorganisés maintenant pour intervenir par axe. Voilà, donc là, si je vous parle des activités que nous avons menées, je veux vous dire que nous avons fait des mobilisations sociales et de sensibilisation dans toute la Casamance pour le dépôt des armes et le retour de la paix. Voilà la première action que nous avons eu à mener. Et ça, nous l'avons fait dans tous les arrondissements de la région de Ziguinchor. Parce qu'en ce moment, personne n'intervenait. Les ONG, on les avait interdits d'intervenir. Et donc, il fallait quand même qu'il y ait quelque chose. Les femmes se sont dit, mais écoutez, on ne peut pas laisser la chose là comme ça. Il faut qu'on se lève, il faut qu'on parle à nos enfants, il faut qu'on parle à nos maris, il faut qu'on parle à nos frères. C'est dans ce sens que nous sommes organisés et nous avons fait des tournées au niveau de tous les arrondissements pour parler surtout d'abord aux femmes et ensuite au MFDC, surtout aux combattants et par la suite au gouvernement. Voilà la première action que nous avons eu à faire sur le terrain. Bon, il faut saluer cette action. Nous ne disons pas que c'est nous qui avons fait revenir l'accalmie en 1991, 92, 93, mais quand même nous avons eu à contribuer dans ce sens. Okay. Voilà. Nous avons aussi organisé une marche. On avait appelé en son temps la marche blanche. C'était juste après le naufragé du bateau. Il fallait quand même les femmes se fassent entendre. Et nous avons organisé une très grande marche de Ziguinchor où les femmes ont jeûné toute la journée. Nous avons marché pieds nus, torse nu, pour un peu faire entendre notre voix. Nous avons aussi organisé un forum à Ziguinchor sur la paix. Ouais. Nous avons fait la construction et la réhabilitation des infrastructures sociales de base au niveau de la communauté rurale de Xinjiang. Parce que tout simplement, en ce moment, beaucoup de gens voulaient revenir, voulaient retourner dans leur localité parce que quand il y avait les problèmes, beaucoup de gens étaient partis en Gambie. Et donc, les villages voulaient revenir, mais il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, le minimum, c'est qu'il fallait avoir des puits, des cases de santé, des maternités. Et ça, nous avons intervenu dans ce sens. Nous avons construit, nous avons foncé des puits, réhabilité des puits, ensuite réhabilité des cases de santé, des salles de classe. Tout ça dans la... pour permettre à la population de revenir. Il faut aussi dire que nous avons mis sur pied des comités d'initiative transfrontalière de protection des enfants et de gestion de paix dans les régions de Sédou et de Ziguinchor. Ça, c'est le long de la frontière. Parce que nous avons vu, nous, à un certain moment, il était très important parce que c'est des gens qui tantôt allaient en Guinée-Bissau, fuyaient en Guinée-Bissau, puis revenaient, ainsi de suite. Ces populations qui n'étaient pas du tout stables. Donc, c'était la même chose aussi dans l'arrondissement de Xinjiang du côté de la Gambie. Donc, il fallait intervenir quand même pour la protection de ces gens-là. Parce que c'est des gens qui, surtout pour ce qui concerne les enfants, et on voyait que pour la plupart du temps, les enfants allaient jusqu'à même ne pas étudier parce que leur famille n'était pas du tout stable. C'est dans ce sens que nous avons aussi intervenu pour aussi parler un peu des droits des enfants. Nous avons fait des mobilisations contre les armes légères et de petit calibre. Ça, nous l'avons fait tout simplement parce que vous savez, quand il y a la circulation des armes, et quand les gens ne comprennent pas bien l'arme, on a tendance à l'utiliser n'importe comment. Avec le Malawo, nous avons fait une très grande sensibilisation pour montrer un peu le danger, surtout des mines, parce qu'en son temps, nous sommes partis jusqu'à constater qu'il y avait même des femmes qui transportaient des mines, parce que comme les hommes étaient suspectés, donc la meilleure façon de faire passer les mines, c'était d'utiliser les femmes, qui n'avaient rien compris en ce moment. Et nous avons fait une grande sensibilisation. Et heureusement pour nous, vraiment, cette sensibilisation a réussi. Et les femmes ont compris le danger que ces mines pouvaient apporter. Et dès lors, les femmes ont décidé de ne plus transporter des mines. Et ça, vraiment, c'est un grand travail que nous avons fait, en son temps avec le Malawo. Nous avons aussi des formations pour les comités de gestion dont je vous parlais tout à l'heure sur la protection et le droit des enfants. Nous avons fait une sensibilisation aussi auprès des populations, surtout de la Guinée-Bissau. C'est des populations pour voir les enfants talibés. Parce que tout dans le cadre de la protection des enfants, nous avons constaté que ces enfants, en général, nous venaient de la Gambie, de la Guinée-Bissau ou de Kolda. Et donc, mais la plupart des enfants de la Guinée-Bissau, il fallait donc intervenir directement dans les zones pourvoyeuses de Gabou et de Bafata pour parler directement aux parents. Leur parler un peu du problème ces enfants qui vivaient surtout à Ziguinchor, en zone de conflit. Et ça, c'est un travail que nous avons fait. Le travail a été financé aussi par l'UNICEF. Nous avons fait la organisation de la résolution 1325 dans les zones rurales. Parce que la résolution 1325, comme nous le savons, est venu un peu pour appuyer les femmes et montrer que les femmes pouvaient aussi intégrer un peu la résolution des conflits. Parce que nous avons, pour notre société, nous sommes acceptés. Mais le problème est au national. C'était difficile de détecter. Parce que pour eux, la répression, c'est les hommes. Alors que chez nous, dans notre société, la répression, en général, des conflits, c'est les femmes. Donc, cette résolution très importante pour nous conforter dans notre société. Il fallait quand même aussi et aux femmes qu'il y a des instruments qui sont mis pour régler ce problème, pour participer et s'impliquer dans la résolution de la paix en Casamance. C'est dans ce sens que nous avons fait beaucoup de sensibilisation pour que les femmes puissent s'approprier la résolution 1325. Nous avons aussi formé les leaders sur la pêche et dans la gouvernance locale. Parce que tout simplement, il fallait aussi que les femmes s'impliquent. Parce que nous avons vu que la plupart des activités de développement, c'est les femmes qui les mènent. C'est-à-dire que d'autant plus elles sont porteuses d'activités de développement. Donc, il fallait qu'elles s'impliquent aussi dans la gouvernance locale pour le développement de leur qualité. Donc, nous avons pu faire des activités de promotion. La PC, c'est un total pilote dans les zones rurales. Sans donc à côté de nous sommes en train d'exécuter dans cette lutte dans le cadre de l'État. Nous avons mis des activités en place. Nous avons mis en place des générateurs de revenus dans le cadre de la promotion de l'agriculture et de l'élevage de petits ruminants. Parce que tout simplement, nous avons constaté que petits ruminants constituer en quelque sorte l'économie des femmes. Et comme avec le conflit, nous avons perdu cette nous sommes la reconstituer auprès des femmes. Comme dans l'image de la région de Kolda, a introduit des chèvres, des moutons pour permettre aux femmes un peu de faire l'élevage et de pouvoir toujours garder avoir économie. Voilà. Donc, nous avons eu affaire du maraîchage des femmes, surtout le maraîchage des femmes. Nous avons côté le maraîchage, mais elles ne le font pas. Là, si oui, le maraîchage, surtout les réfugiés de retour. Si la création d'une société que nous avons mis sur place en collaboration avec les jeunes de la Gambie, qui, pour prévoir ce qui se passe actuellement, ont mis en place des jeunes ambassadeurs de la paix pour sensibiliser, éduquer les enfants sur la paix. C'est dans ce sens que ces jeunes sont venus en Casamance et nous sommes partis aussi en Gambie. Et donc, à leur initiative, nous avons créé les jeunes ambassadeurs de la paix en Casamance qui actuellement font beaucoup de sensibilisation sur l'éducation à la paix pour la paix. Voilà donc ramasser les quelques activités. Je ne peux pas tout énumérer, mais voilà quelques activités que nous avons eu à faire dans le temps, quoi. D'accord, merci. Donc, chers auditeurs, je vous rappelle que vous suivez Radio Tandouk Online dans l'émission La Voix des Jeunes Bouronsi Kambano. Et aujourd'hui, nous avons Madame Diouf qui est coordonnatrice de Kabonketor, qui est notre invitée en compagnie de sa collègue aussi, Madame Dramé, qui va certainement intervenir tout à l'heure. Madame Diédiou, ou les cocos de Safi, nous avons fait un peu de temps. Waye mi kabonketor tayi pour mulo bio bay jom mi re jaw eno dene manu yis donc bu kana kamerika jante no lal waye mi kabonketor tayi do pour lalo bayro ma mi re jaw eno d'accord voilà donc in yombone safi jemme ni sali ni invitation ma wi yanu u kanu limi a partir des États-Unis. Ni rengi mati ne manu sanke nya moy de kare som jatu jeyu donc inye nami la coordinatrice ati kabonketor kabonketor anifanati yo kare so madame kini kono Marguerite Koni ambassadeur donc o ala comme la présidente ati l'association inye je suis que la coordinatrice. Voilà, donc, wani il y a un peu de temps qui est Kabonketor. Je suis Kabonketor, association Yatiku Sek. Bare association Yakinia, Bukana Kupé, Kusek Kupé Kou. Baguta Djoula, Baguta Manding, Baguta Wolof, Baguta Sere, Baguta Amankai. Donc, Anosan, Umami. Non, on a une Casamance, on a une maman qui a une place à l'Euro, on a une ménopause. Quand on a été en Europe, depuis 1999, on a une maman qui a Casamance. Parce que nous, on a une maman qui a une maman, on a une maman qui a problème. Qu'est-ce que c'est que tu as dit? Je suis dit toujours, on a une maman qui a Jack. Donc, fujou ma fakilia fo ko fo emité o SNO SNO ni fo. Ban pour société communauté ay wala la yati ku djoula. Ku temente be mam ak asekaw. Donc, ni fujou fakilia fo kam mi man ku seka. Kati woni noné kati ku rombe nak. Ku ito ku sanaw ku ito ni mukane mumé. Parce que nan djaw mi ñe pio ni an la tagorom ni kono la an la ta sanke pou sanka mukana mati kazamas nan problème ay bajni bu kan ku gama kadjuma be ka sanke di kone ko sanke mukana mati kazamas ban ko sofu ku réunion les bajjo wono sanne tu bajjo ni wat waw fana wana kuin ten kazamas ku se ka ku ni kone le ngolen jaw uyi to amanu sanke na ye nene ketu yondo lu keta man kaza manu u kataba ku ñolo la bare la tungo le mu kataba ku ñolo la momu bayito wut manu sanke na kaza ma si yolo la no ku seka ku ko komin nit manu ite jay ka sanke mi ku palu ni ku sek ka sanke mi ku ñila ka sanke mi gouvernement mati kon quoi vraiment u juma manu ngole lu kana kan nakko manu sanke na bare le ngole yim mom mom donc vraiment kayta ko le ni ku ko poko woni bokku woné sal ko parce que kam mano san nu kankan ma waf wa meni pop bu ngolen unde u gumbulo parce que kam mankane wata e kliya kankan be katunor woni ka bonke to onu woni u pare man tutor parce que kal karok mi man tutor jupa jupo bu kana ku jup ku ito ito bu kana san amuna sof babu amuna sof babu amuna sof babu bi yakku bajane wanu bajani. Donc, mon kami, ton aîné, il faut qu'il ait, parce que l'action, il y a une pire, la nuit, ben, c'était pas évident, mais nous allons, ou rien, mais émettez quelqu'un, tout quand on a quatre ans, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, quand on a quatre ans, moi, je ne sais pas. Mais n'importe qui, muju ken noné e jaay momu ket e ka sanke na ko bukana ko e ka sumay ka sumay le ngolen kam man ka sumay ku jo parce que wata e ke bukana ko faso faso si suk samene si faso faso muju ka no manya manmo parce que pe kan kan ainsi de suite kabu jora ku kan kan wa fo meni o bade bade ba bukana ku fan ko fangi ku let ku jejo bi ko décourager. Donc il fallait que man ou leulul manou la ni sankenor ni bukanak kamam me leulul lay ni ku leñu ben suka soli mais surtout ni communauté rurale yati ni arrondissement yati sinjam baneno ni kamengi ku tete ku no ken gambi ku seka ku fami ko ku fami ko gulami ku ju konete yaw ye na faut parce que won mu yoy boba bu gambi banu tay mu jow lako non nu jukor mi ni organisation yake yang kone concert universel man ko rande mo ni ku sek kat sinja jatu sisi man kam man me leu ne nu jonen sisi kolam parce que no wate écrire si suko sila kala ko bop pio man bukana tay mi si kolama su japut ing si sa si lolo sa si kanyo kanyo parce que bukana ko wala nu kurando man wala nu jonen u jonen si kolam man bukana o moins ku leñu ni suka soni ba bay pop si case de santé pop sa nu kambo kom bay pum nu tete bo e case de santé nu rambe rambe pop e suka yan ko ni masara mané ngole ne bay pop salle de classe parce qu'il fallait que man kuni la ko karam ban waté ki le école yo li mané kañoy donc il fallait que man wala nu kante au moins salle de classe man bi kuni la ko lan loja ni ko wala ko battan pan ko kan donc brok ba mengi bukani kan ni zona wu ka sanke no rak pop ni bukana ko ka la ngel nak u yigi tawali ni ka sumaye n'importe ni no jojo pop be ni zone sanju poe be brokam de indésignation par exemple wajaw mi be zone eti la zone transfrontalière ye sof nya signation jaw be sinju parce que nous manja mañ mati né manou kami sinya bu kanaku nano sankuté e leñu la yoli le kané kam problème donc yo pop kani kan kam simik sa meñé ni bu kanaku mam bu kanaku wolé ko accepté ko ti ko wolé ko accepté ko lini ko wolé ko accepté bu kanat man ko leñu béri su geus donc brok ba mak nu kané ko jax mi be mati karaw yoyu ensuite nous nambem de pop kuni la parce que kuni la diko sekal koku fami mam yoke nano san futi parce que yo kone mi ko yeno mi les personnes vulnérables parce que kunena ko ete yolin e sumsum bare kunina ni ku sekal ete yolin e sumut donc bu kanka kiria nu rokor ni bu ko man uwal man ngole rambeni les organisations ni si rambeni man ngole rambeni man kunina ku bop ku ngole ku bac bop fana foni donc n'importe ni pop ne mani sanke ni meno kamambe na kati kuseka parce que nu manya man mati ne nu rambene ase ke kon nu rambe rambel bu kan ko no kabana ni famiye donc mo kami il fallait que manu wala nu rambe kuseka ni ngare man ko rok man te wala ku ko ne dimba yoli parce que ku tay donc bu rok bakiya bu kali kan nu fere po manu du corpo ni kuñi la kuluni ka tramba manu sanken manu du corpo sanken ni nu regi wat ni kuli ku regoli wat mi ni bu ko nu du corpo manu sanken po bete regi wat mi ni ku sek kati kazamas popo ni ku regoli wat mi bu ko ma pi kam mi man kay ray ngole ni leñu yo pe bu rok bakiria kamon ketore kankam bu ba pe ja boka jaje na man man burba ke sumay ku ngale ku leñu du ma jaa ba bañ banu nokenaani ba sa noket pan kaza ma se djume man bi mu kané mu me mu ngale bu bañu donc jaa an jaw mi bi yok leni ka kanu ba bañ manu ku lañal wala la jola nu manja mañ mati nano san mu je mu djume tanatu wala mu je bete ngi seti wa faw nem jakut il faut ku laaj et manula radio baba ma noté kan man ke sumay ko wala ko lañu be fel taté rooru pe bare en tout cas ano sam kam ma man wa malegen d'accord chers auditeurs je rappelle me au kokori kadianten radio tandouk online madame diouf sinon imanjutmante madame dramé dama bañ fa ndaje to bété reg wala manter commencer à manu dialo ngara les questions sata les auditeurs voilà pas nous madame dram aha tanke no peo aha D'accord, donc bienvenue Madame Dramé au pop donc Kokomir Burokabu Bati di Kabonketor Manajo Pop a Sankenolal di One Hab Djembe Kabenento di Kamika Kando Mandemik. Allez-y Madame Dramé. Yo, Moussa Poussaf. Masoumé. Madame Dramé. Fuma fam jota rek ñaan to ngi ñu tuumu de bu tek de kasse mas mo no so la bi re na na ru ru na ru mo na wa tan def akaf ru mo la jëru mu suki la simple ñew taw sa ñu to to kan du ñu mo ñu du brok du mo ñu ngad brok ak par ñu ci ñu du brok bo ñu en ci te ko kan du ñi ci ñi kasa saka kuma mamman kan rayuwa ko mun kare lin ya da saban di fuba jaru fukal amin ala wanda da karanga ni dan mo uto ya ni ne uto bayan kamne ne karamba ni no kuma sun ya barka ban kuma sun ya ni je kan kai na kula ya larbila ni la on to bat kumbula kumbula eh bon mon jotta rek ñaan mo mu ke si sus tu si si mi ka ko buru min gi inde tal sul mon jot ka sanke na fuma. D'accord, merci beaucoup madame Dramé. Donc Jatou, avant mudial bo te ngar les questions satellites auditeurs pan kan intermède musical Manu Dialal Nye, et nos chers auditeurs, si parmi vous qui écoutez, vous avez des interventions, des questions, vous pouvez intervenir après l'intermède musical. Mais en attendant, je vais vous présenter donc Mamadou Lamine Diémé, qui est notre représentant à Bignona, qui est en ligne parmi nous. S'il a peut-être quelque chose à y ajouter, mais j'avoue que de temps en temps il a eu des problèmes, il n'a pas pu suivre depuis le début jusqu'à la fin. Allô Modou. Oui, je disais que donc on a terminé l'entrevue avec Madame Diouf et Madame Dramé. On va donc ouvrir le micro aux auditeurs. Sinon, en attendant, si vous avez quelque chose à y ajouter. En fait, bon, c'est bien, sinon, bonjour à ces dames-là, sinon, c'est de vous remercier. Et surtout, merci de m'avoir donné l'opportunité de donner ma modeste contribution par rapport à l'émission. Et surtout, les invités, que sont Madame Diouf, si je comprends bien, et Madame Dramé. Comme je viens de vous prendre en cours, comme vous l'avez si bien indiqué, tantôt, j'ai des problèmes de connexion. Dieu merci, je viens juste d'entrer en ligne. Bon, mais peut-être, comme j'ai l'habitude de le dire, l'appétit vient en mangeant. Peut-être avec les questions, je pourrais m'impliquer davantage dans cette affaire, quoi. D'emblée, je veux dire à ces dames-là d'être des dames vraiment très courageuses. Elles ont des obstacles à franchir. Ça, c'est mon point de vue. D'ailleurs, je pense qu'elles le savent mieux que moi. Elles ont des obstacles à franchir. Ce n'est pas du tout facile. Ce n'est pas du tout facile. Mais comme nous savons notre société, voilà, si les hommes font et ça ne marche pas, les femmes aussi ont droit à faire leur expertise. Donc c'est le moment maintenant avec les femmes, avec lesquelles nous comptons beaucoup. Nous comptons beaucoup. Mais croyez-moi, ça ne va pas être facile. Parce que moi, mon grand problème, si nos mamans-là parviennent à à réconcilier nos frères d'armes qui sont dans le Mali, c'est encore un grand pas. C'est ça le problème. Parce que souvent j'entends tel groupe. Bon, finalement, je ne sais même pas comment. Voilà. Mais si le problème est d'arriver à canaliser ces gens-là, je pense que maintenant, c'est sûr qu'on va vers un pas très avancé par rapport à cette paix dont on est en train de rechercher depuis des années. Voilà. En tout cas, pour le moment, c'est ce que j'ai juste comme modique contribution en attendant maintenant. On va voir les débats avec les autres, comment on pourrait mener les débats. Mais quand même, je les encourage. Vraiment, elles ont été des femmes très braves. Hein. J'ai un peu suivi leurs activités. Je ne sais pas exactement leur piège, mais on m'aurait indiqué un peu. Donc peut-être qu'avec le temps, je pourrais mieux connaître là-bas et faire connaissance avec eux-mêmes. Et l'ensemble du groupe et voir comment ensemble on pourrait travailler pour des cas comme ça. Voilà pour l'instant, ma bonne contribution. Merci et à bientôt. Ok, d'accord, merci. Donc, chers auditeurs, on va donc prendre une pause musicale. Ensuite, on reviendra avec les auditeurs pour prendre les questions. Merci. Voilà, chers auditeurs, nous avons encore une quarantaine de minutes donc pour répondre à vos questions. Si vous en avez, vous pouvez maintenant appeler, le micro est ouvert. Et que donc, je rappelle que vous suivez Radio Tandouk Online. Aujourd'hui, nous avons en ligne Madame Diouf et Madame Dramé, tous de l'organisation Kabon Ketor, qui est donc une association des femmes. Casamance l'a précisé bien que tout le monde est bienvenu, tous ceux qui veulent œuvrer pour la paix sont bienvenus, ils peuvent y participer. Et en attendant, je vais donner le micro, on va essayer de le joindre, quelqu'un aussi qui est très actif dans ce domaine. Il s'agit de Amadou Silla de l'organisme SOS Casamance, je pense, peut-être que vous le connaissez bien, Madame Diédou. Ouais. Nous aurons. Allô. Allô. Oui, c'est là. Oui, c'est Yemé. Comment allez-vous? Ça va et vous-même? Ça va très bien, merci. Je ne sais pas si vous êtes en train de suivre l'émission en ce moment avec les femmes de Kabon Ketor. Oui. Oui, allez-y. En attendant, je me suis dit, avant que les auditeurs entrent pour les questions, on vous donne l'opportunité de donner votre mot. Oui. Et par la suite, on va continuer. Allez-y. D'accord. Ouais, vous l'avez. Qu'est-ce que vous m'avez? Allez-y. Oui, tout à fait, j'ai suivi ça, tout à fait. Oui, vous êtes en direct, allez-y maintenant. D'accord, alors, bon, j'ai envoyé tout à l'heure un texte. Oui, je l'ai vu. Uh-huh. Je disais qu'en fait, j'ai envoyé tout à l'heure un texto pour en tout cas saluer la pertinence, la pertinence en tout cas des points de vue de ces braves dames. Mm-hmm. Et puis que j'encourage beaucoup parce que je crois que elles font un travail remarquable. Uh-huh. Et puis ça fait quand même quelques années elles sont bien impliquées dans ce, comment dire, elles sont bien impliquées dans ce travail pour la paix en Casamance. Mm-hmm. Et j'avoue que elles nous apportent beaucoup de bonheur parce que tout simplement c'est d'abord des mamans, c'est d'abord des sœurs, c'est d'abord elles ont cette conscience que effectivement les femmes peuvent jouer un rôle déterminant et extrêmement important dans le processus de paix. Elles ont pris cette conscience citoyenne et elles se battent effectivement avec des résultats évidents. Je crois qu'elles méritent vraiment d'être soutenues, elles méritent en tout cas d'être écoutées, d'être épaulées. Et je crois que ça ne fait que renforcer l'espoir que nous avons et le combat que nous menons pour la paix en Casamance. Parce que voir des femmes de ce genre se battre, je crois que pour ce qui nous concerne, nous autres Casamançais, on se dit, évidemment, on n'a pas le droit de rester derrière. Il va falloir effectivement que la mobilisation se fasse de façon générale. Et encore une fois, je suis très ému et très très heureux en même temps, en tout cas, de les avoir écoutés et de me rendre compte effectivement que, voilà, il y a encore des femmes surtout très engagées dans ce processus de paix et avec qui il faut compter pour, en tout cas, l'avenir de la Casamance. Voilà en quelque sorte ce que je voulais dire, et tout en les félicitant et en les remerciant. Merci donc, M. Silla. Je rappelle, effectivement, on a reçu votre message. C'est pour cela que j'ai tenu de vous appeler avant de prendre les auditeurs. Et je vous remercie. Je rappelle que c'est M. Silla de l'organisme SOS Casamance basé en France. Merci, M. Silla. Merci. Ok, chers auditeurs, comme je vous l'ai dit, le micro est ouvert. Nous allons donc répondre aux questions. Et là, nous avons Libas Koli qui est en ligne en ce moment. Allô, Libas. Allô, Libas. Oui, salam alaikum wa rahmatullah. Malikoum salam. Yami. Oui. Je vais juste éteindre la radio. Oui, allez-y, vous êtes en direct. Non, je vais éteindre la radio, je pense que c'est... Je vais éteindre la radio. Oui, allez-y. Allô. Oui, on vous entend bien. Je vais éteindre la radio. Okay. Allô. Allô, oui. Ouais, salam alaikum wa rahmatullah. Mon nom est Bastoni. D'abord, je tiens à remercier d'abord les deux femmes, Madame Bouf et Madame Damou, qui ont quand même présenté une partie du travail qu'ils font avec l'association Kabom Kekol. Un peu fort, Libas, on t'entend. D'abord, je remercie Madame Douf et Madame Gemé qui nous ont présenté le travail qu'ils font à travers l'association Kabom Kekol. Madame Dramé, oui. Moi, j'ai plein de questions à leur poser, en fait. Des questions quand même de contribution. D'abord, je veux quand même, à travers le travail qu'ils font, saluer le travail qu'ils font, les gens croient davantage à Tesla, parce que c'est pas évident. Souvent au Sénégal, bien que quelqu'un n'ait pas d'engagement, il y a souvent des parents qui sont derrière, on est en Angola, tout le temps, moi, qu'il ne parle pas, je parle pas, il y a des gens comme ça comme lui, de telle sorte que souvent les gens, ils ont peur de parler. En tout cas, ils ont peur de parler. Ça, quand même, c'est un courage qu'ils ont. Moi, je les encourage et je prie que Dieu les protège, en tout cas, que ce qui est en tout cas, que ce qui est là soit résolu. Ça, c'est ce que je tiens à dire avant tout. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que dans le conflit de Casamance, il y a beaucoup d'ONG, il y a beaucoup d'associations, et moi, je pense qu'il y en a. Il y en a trop parce que, on prend par exemple l'association des. Il y a par exemple une association des femmes de la Casamance, une association qui se dit en tout cas fédérée, toutes les associations, dont comme on dit, qui met pour la paix à Casamance. Moi, personnellement, je ne peux pas positionner en tant que casamassé les gens d'association, par exemple. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas les groupes par une certaine Marine Cham, je ne sais pas quelles sont ses connaissances sur cette crise-là. Est-ce que c'est une personne en casamassé ou pas? Personnellement, à mon homme, à vue, pour moi, une personne qui n'est pas née et grandie en casamassé n'a pas à créer une association pour les groupes. Ça n'a pas de sens. La casamassé, c'est un club qui est assez complexe. Comprendre les personnes qui se comprennent. Il faut être né dans cette région, que ce soit Yola ou peu importe, ce n'est pas ça qui est important, mais il faut qu'on soit né en Casamance. Et en tout cas, qu'on ait le courage aussi d'approcher ces gens-là. Donc, il y a toutes les associations, il y a Kabom Kekol, il y a Réseau Winter, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et au bout du compte, le problème n'est pas réglé. Donc, moi, je pense que les associations comme Kabom Kekol, c'est des associations qui sont locales, que c'est des gens qui ne maîtrisent pas certaines structures administratives de l'État. Je ne sais pas, mais moi, ce sont des associations qui sont locales, qui sont là au pays, qui sont plus proches des populations. Et c'est à cette situation-là que je donne caution. Et il faut que les casamassés fassent attention. Il y a plusieurs associations qui se confient. Il y a certains trucs qui sont là pour des raisons autre chose que la répression du conflit. Que les gens sachent que toute personne, peu importe son statut, peu importe son rang, dès qu'il y a des problèmes de casamassé avec une mauvaise intention, ça se retournera sur la conflit. J'en profite aussi quand même pour remercier des gens comme Amadou Sine qui font un travail extraordinaire. Ce sont des gens qui sont de la Casamance, qui maîtrisent bien le conflit, qui s'appuient beaucoup. Et je pense qu'on a intérêt, en tout cas, à ce que ce soit SSU Casamance et que ce soit les autres associations, que les gens, en tout cas, viennent à l'unité, qu'on parle d'une même voix. Voilà, c'est ça, parce qu'il y en a trop, il y en a trop. Il y a plein d'ONG, plein d'associations. Il faut qu'on aille, quand on parle par exemple d'associations comme Bonkito, qu'ils puissent avoir, par exemple, avec SSU Casamance et que les autres, mais quand même, les gens soient cohérents, les associations qui vivent sur le gouvernement ne peuvent pas être dirigées par autre chose que des gens qui sont nés et qui rien de l'agrément. Je suis catégorique là-dessus, je ne suis ni indépendantiste, ni quoi que ce soit, mais c'est le seul que je tiens à dire, on ne peut pas se lever comme ça, une association qui va parler contre le gouvernement sans pour autant qu'on soit né en gouvernement, qu'on soit acteur plus ou moins directement ou indirectement. Ça, c'est la deuxième chose. Ok. Alors, il y a commencé dans les années 80, en tout cas, je ne suis pas de la lutte armée. Il y a des gens comme moi, comme ça, qui sont nés pendant cette période-là. Et il faut que le MFDC, l'État du Sénégal, mais je ne parle pas du MFDC, je parle de la Casamance, je parle de l'indépendance, jamais dans l'hypothèse que vous allez avoir cette indépendance, il y a une guerre entre guillemets, un conflit, et ils doivent se préparer, c'est le conflit qui avoir à des gens comme nous, des gens qui sont de la rue. On ne va pas accepter qu'après les conflits, que c'est une de leurs dirigeants, des gens qui sont tapis dans l'ombre, c'est comme ça qu'ils fonctionnent, ils restent dans l'ombre, ils vont pousser. sacrifier, ils viennent vous la donner. Ça ne va pas se passer. Donc, il va falloir quelque part, ils acceptent en tout cas, dans leur recherche, dans leur lutte vers l'indépendance, ils acceptent en tout cas l'option plus ou moins directe ou plus ou disparue. Donc, quand vous trouvez les moyens d'associer la préservation du pain, ce sont ces gens-là qui vont. C'est ça la réalité. Mais nous, non. Allô? Eh? Allô, Libas? Je dis des gens comme moi, je n'ai pas accepté, par exemple. Allô, Libas? Oui. Oui, soyez un peu bref parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui veulent intervenir pour que tout le monde puisse intervenir. D'accord. Entre, sont les deux points que je veux préciser, il va falloir que le MEPC, que ça soit le MEPC, que ça soit par exemple Ahmad Soula, que j'ai même connu bien, il y a même ce qui est pour les couples, tout ça, toutes ces questions-là, les gens prennent conscience que la génération de 80, si tu veux, ce sont ces gens-là qui doivent être les principaux acteurs dans la démarche. Sinon, okay, ça va aller à l'échec. Ok, d'accord. Merci beaucoup, merci Libas. Nous allons prendre. Il y a. Allô? Allô? Allô, oui? Allô? Non, il y a un auditeur qui est rentré. Allô, Salifana? Allô? Oui, on vous entend bien. Allez-y. Là, je présente. C'était Libas Koli qui avait appelé depuis le Canada. Et là, vous avez Boubacar Salifana Diata qui nous appelle depuis le Sénégal, je ne sais pas où principalement, parce qu'il est, lui il a la bougeotte. Allez-y Salifana. Voilà, je veux encore remercier vous-même, de remercier vraiment Koussaï Katou, candidat Mankou Sankéno, vraiment, avec beaucoup de courage et vraiment beaucoup de savoir-faire. Donc, nous avons caracolé Madame Djidji, Madame Pramé, Dane, on a pas aussi nous, la tradition et que vous avez le problème. Mon problème est que vous avez le problème, vous avez le problème, vous avez le problème, vous avez le problème, vous avez le problème. Donc, je pense que rien que cet acte-là, ça prouve que vous avez le problème, vous avez le problème, vous avez le. Ensuite, je pense que les médias ont manqué de problèmes. Je pense que les médias ont manqué de problèmes. Les médias ont manqué de problèmes. Parce que c'est toutes les ethnies qui sont dans cette histoire du problème de la Casamance. Alors, c'est pourquoi je me réjouis parce que là, j'ai l'impression que voilà des gens, voilà du moins des femmes qui ont compris réellement ce que c'est le problème de la Casamance. C'est pourquoi je voulais raconter une histoire, parce que le problème là est commencé en Casamance. Moi, je me rappelle très bien, voilà, nous avons encore été jeunes à l'éducation. La plupart de nous, voilà, au lycée, au CMT, au lycée. Mais j'ai le problème, franchement, je vais raconter cette petite anecdote historique qui a demandé de ne permettre encore davantage, manque au Sénégal, le problème actuellement beaucoup. Parce que pour rappeler la grève du lycée, Gignobou en 79, dans l'histoire de la grève, avec le programme de Soul London. Les élèves qui ont dit Pouli, les jeunes, ben nous sommes pas beaucoup pour ignorer Foukarafo. Vous avez aviation, non, caramba, ou la casa là, on est fou. À 3h du matin, 4h du matin. Il n'y a que des lycées, beaucoup rencontrés, beaucoup de gens, des bandes, des banques, des explosifs, je me rappelle très bien. Il n'y a que les élèves, là, les jeunes, il n'y a pas de coupe, qu'on est du côté du vote, et qu'on a explosé le point émis. Il faut la foutre. Nous avons fait une qui a explosé le point et nous avons fait une bonne chose. Maintenant, la grève est bouillie. Les femmes, on a qui fassent beaucoup de beaucoup de gens, pas de l'information. Je voulais faire les élèves qui ont beaucoup de réunis, Baba ou la Kassaori Karambafou, de l'aviation. On a beaucoup de gens. On a beaucoup de 6 jours. Toutes les ethnies, on a beaucoup de choses le problème qu'aucun manque à Koujonem. Par contre, ils sont pas là, ma Koujonem. Il faut que les leaders, quand les grèves, on la refasse à les face. Bien qu'il y ait eu l'école. Car ça peut être très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très très man ko noro ko ni la ko leader ko joro ni terre nema a 4h 5h du matin di fo do ko joume ni man ko possible kone bodé possible man ko ni la ko sikosiko ni bu ko man ko noro me promay man ko ko djem bodé nga ko kili ni ko ni la ko bu ko pan ko possible man ko premier des problèmes yi bu kana ko mos ko ni la ko to so babri karamba ko fo vers 6h doku tolo ko nara ko ko rek parce ko ni la ko man gille ni mu ñaw man ni la ko ko liseur ko tete ke be gille ngile be manon sank ko nara ko possible man ko mandi ko kat yu man ko ot nan ep ko ni ko nara ko ngam promay ko ken balki même pas une semaine bu kana ko ko jam e problème ni kama yori ko ni legu pourquoi parce que ko ni legu ko ya jua jo baba jabir matawa c'est et problème avec moi, il faut régler. Donc, tu vois un peu cette connotation de la grève du lycée Dijan. Nous avons vu que nous avons la forêt à Djabir. Toujours, c'est toutes les ethnies. C'est pour qu'on peut insister sur un conseil à Colomb, parce qu'elles ont bien compris, en fait. C'est toutes les ethnies, que ce soit le CB, le Majak, le Balant, le Djola, le Mandeng, le Wolof, le Tukulo de la Casamance. Beaucoup de les hommes qui ont beaucoup de gens pour la forêt de Djabir. C'est là-bas où a commencé le problème. La gendarmerie de Ziguinchor, l'information qui a été trouvée dans la forêt de Djabir pour que négocier. C'était ça en fait. Qui a été trouvée négocier. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu négocier. Comment on aime tout négocier? Et moi, je vais vous dire une chose. Le commandant de brigade de la gendarmerie, non, c'était un sérieux. C'était un sérieux. Comment ça s'est passé jusqu'à ce que, malheureusement, le sérieux de la Rikoubudjo, il a été tué. Non, c'est pas exact. Dans la forêt sacrée. Non, malheureusement, les incidents, c'est pas du mieux qu'en apprenant de commandant la Koubou. Donc, le problème a éclaté. On a fait un coup pour le Karamba, à forêt de Djabi. Pour faire intégrer tout le monde, tant que pour tant que nous sommes ici, par le coléo, ce que nous sommes coléo, tant que nous sommes coléo, tant que nous sommes coléo, tant que nous sommes coléo, sans incidence. Tout le monde m'a tant que nous sommes fanki, tant que nous sommes coléo, comme s'il a été déjà informé. Donc, pour le cas de tout le monde, nous avons beaucoup de drapeaux. Et nous avons beaucoup de drapeaux. Vous avez vu ce qui s'était passé ou bien entendu. Les interventions des GMI, des militaires, etc. Nous avons tout le monde. Nous avons tout le monde. Nous avons à Mankanyo, à Djoule, à Serere, à Foule, à Nosambou, Tete, Bobandou, à Mifa. Donc, nous avons tout le monde. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que oui. Parce que après Boba Kiri Mouré, pour qu'on a commencé à s'enquêter, qu'on ait certainement qu'on ait une café, etc. Maintenant, nous sommes s'enquêter, nous sommes en train de faire un film café, nous sommes en train de faire un film. Donc, le problème, c'est les femmes là, je pense que c'est de l'information qu'on fait, ça pense permettre beaucoup encore davantage à prendre au sérieux et promettre beaucoup de pouvoir pour régler. Donc, nous avons d'abord sali, mais c'est un peu foncé, il faut aller tout droit. Maintenant, le premier qui se pose, c'est que dans la police, la gouvernance, est-ce que vous avez fait un peu de temps? que pendant la nuit, tout est déjà bien pourri. On a refait cette fois-ci, nous l'avons signé, etc., etc., etc. Donc, nous, les gens, nous, nous, nous, nous, abalantaw man tamanja kaw adjaw ma sangen ni café mak ma don def film abanda tiawu ni solo ta lol boti jolu do pouré mom la ka sabare comment est-ce qu'il faut faire mu kané ko na rap ou zone du boulot pour foncer ou djaw ko ñess man ko djem poté kam dok en mat légem momo to café mak ko café mak bu ko yituli man na sam djaw ko law man to sou moy ko djom bo Casamance et benen to. Il faudrait aussi que Mamboukana comprenne, surtout voilà Koudjoulé, le problème est prendre l'air de Koudjoulé, voilà la colla l'oubien ou dirita boca jone yo. Amanjaka wanda kami manta a serre wanda kami a jola, le tout l'olem, il n'est pas le tout jon, ou laou, ne bonkete, tant qu'olet à nou, à kaye, tant qu'olet à manjaka. Qui savait Koudjoulé, il faut maintenant nos responsabilités pour reconnaître que nos problèmes n'est pas la qui koudjoulé boca jone. Donc, comme Bukanako Koundé Sindé d'immigrer, je pense que par rapport à l'autre, encore une fois, c'est qu'il y a un bon quétor, émité au barrage, émité au poyo, mais dit tchao, à nos savoirs, nous sommes tous les gens qui sont en Casamance, paix, émité à la paix et la Casamance. Merci. Merci beaucoup, donc, Salifana Diata. Madame Diouf, par rapport aux deux intervenants qui passent, aux trois, pardon, parce qu'il y a trois intervenants. Amadou Silla, Libas Kouli et Boubacar Salifana Diata. Mm-hmm. Allez-y. Enfin, voilà, donc, on va essayer d'intervenir un peu, surtout par rapport à Amadou Silla, SOS Casamance France. Donc, vraiment, nous le félicitons pour son intervention. Nous avons bien compris ce qu'il a dit, ses inquiétudes. Il a parfaitement raison. Il faut dire qu'il y a trop d'associations. Il y a trop d'intervenants, en quelque sorte. Au niveau même du Sénégal, par rapport à la question de la Casamance. Ça, c'est un problème. Et moi, je pense que le problème là, personne ne peut le régler si ce n'est pas nous-mêmes, Casamance. Parce que je peux dire que, en quelque sorte, c'est nous qui avons ouvert la porte. Donc, c'est nous qui devons fermer la porte. C'est très difficile. C'est difficile, c'est compliqué. Vous savez, quand il y a un conflit, c'est très, très, très compliqué. Parce qu'il y a un problème d'intérêt qui se pose. Parfois, oui. Et le problème de la Casamance, comme nous le voyons de loin ou de près, il y a un problème, il y a plein d'intérêts qui se posent là-dedans. Donc c'est très difficile quand même d'intervenir. Mais quand même, il faut aussi saluer quelquefois les interventions. Mais pour ce qu'il vient de dire, en tout cas nous les femmes, nous en sommes très conscientes. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes retrouvés, le Cabon Kétor et le Oussoforan s'est retrouvé pour créer la plateforme de la Casamance pour la recherche de la paix. Et la plateforme regroupe non seulement les femmes de Siguinchor, mais les femmes de Sédiou et les femmes de Kolda. Parce que c'est ça la Casamance naturelle. Si on veut parler de ce conflit, il faut que l'on parle dans sa globalité. Donc, la Casamance naturelle. Et nous nous sommes retrouvés, nous sommes fédérés autour de cette plateforme. Là, maintenant, les associations, les anciennes associations comme Mekoukato, qui travaillent avec les femmes traditionnelles, surtout des voies sacrées, pour un peu la partie mystique de ce problème, nous continuons. Nous avons des programmes. Et nous continuons à travailler, ou se fera les autres associations aussi. Et quand il s'agit de l'essentiel du problème de la Casamance, nous nous retrouvons tous au niveau de la plateforme. Ça, c'est très important. Parce que la plateforme ne fait que fédérer les associations. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous avons eu à faire des actions très importantes avant même les élections, au cours de la campagne électorale. Et même jusqu'à présent, nous sommes en train de travailler avec le président de la République pour ce qu'il avait prévu pour la Casamance. Donc ça, c'est très important. Donc vraiment, je le remercie pour son point de vue. Nous avons pris compte de ça et c'est pourquoi nous avons créé la plateforme des femmes qui fédère toutes les organisations de femmes des régions de Ziguinchor, Kolda et Sédiou. C'est Libas qui avait parlé de trop d'associations. Je m'excusais. Libas Koli, oui. C'est Libas Koli. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, vraiment, pour ce qui concerne Amadou Silla, SOS Casamance, vraiment, je le félicite aussi pour son intervention. Je suis de tout cœur avec ce qui vient, les encouragements et autres. Mais aussi, je dis que nous aussi, nous les encourageons. C'est nos frères. Ils sont dans la diaspora. Et nous avons aussi besoin d'eux. Parce que quelque part, par exemple, si nous prenons le cas de la France, nous savons qu'il y a des gens du MFDC qui sont en France. Bon, peut-être que dans l'avenir, nous projetons rencontrer nos frères, essayer de discuter avec eux pour leur faire comprendre aussi la réalité sur le terrain. Parce qu'ils sont en France, les gens qui sont en France, et qui, depuis la France, sont en train de manœuvrer au niveau de chez nous là-bas. Vraiment, nous regrettons un peu des fois ces actions. Parce que ça nous coûte très cher. Ça nous coûte très cher. Nous avons besoin de comprendre, de les rencontrer et de comprendre, de discuter et de comprendre aussi leur point de vue. Peut-être qu'ensemble, en essayant de discuter, comme on l'a fait avec nos frères du Maki, peut-être qu'on pourra s'entendre. Mais des fois, il faut dire qu'il y a des actions qui nous coûtent quand même très cher à partir de là-bas. Donc, il est bien qu'eux aussi, avec nous, que nous fassions tout pour rencontrer nos frères qui sont là-bas, du MFDC, pour essayer de discuter avec eux. Donc, il faut dire que dans cette affaire, nous avons besoin de tout le monde. Tout le monde, surtout eux vous qui êtes dans la diaspora. Nous avons besoin de vos conseils, nous avons besoin de votre appui, nous avons besoin même de votre présence, quelquefois. Des fois, c'est ici, on peut les rencontrer et si vous nous dites vos points de vue. Parce que la commence ne pas sur les ça ne pas on soit au Canada. Il faut vraiment que là, nous saluons aussi votre force au niveau là. Donc, tout comme nous avons tout ce qu'on a là, on a démarré. Mais, en tout cas, Moukane et Moumé, de manière où nous Manju. Donc, dans notre salle, Béni Saïman, il faut que l'on aille. Quand on a peu de couffons, peu de l'eau, ben on a donc, on a une réunion où les gens. Et Manu Manjone, parce que nous les voulons mettre comme bon qu'ils ne pas dire sana les femmes traditionnelles donc beaucoup qui me font du vacuier manque une religieuse ou que nous carrément manons ça nous sommes ça parce que nous devons pour être bien avec à la tout bouger avec l'appui des autorités aussi pour ramener nous dire Nous allons agir. Donc, on voulait beaucoup de salines. La la cabine. Les autorités humaines ne peuvent pas bloquer. Surtout en Côte d'Ivoire du Sahara. Quand on nous rappelle, on pense qu'on a un moment où on a le mouillé au futur. Amen. Allez, comme on dort, mais c'est... Allô? Ils vont dire association, ils vont dire. C'est quand même. Voilà, merci beaucoup Madame Diouf, donc et Madame Dramé. Effectivement, vous, chers auditeurs, comme vous comprenez, c'est une entrevue via le net. Il y en a certains qui me l'ont signalé parce que de temps en temps, il y a quelques micro-coupures, mais je pense que l'essentiel a été compris. Et que donc, nous allons donc encore laisser à ceux qui voudraient intervenir. Sinon, Madame Diédiou, est-ce que Diédiou est là et s'il a peut-être aussi un mot à dire là-dessus, il pourra intervenir en attendant qu'il y ait des gens, s'il y aura des gens qui vont appeler. Diédiou, Kassouma. Ok, j'ai dit que je ne suis pas parce que... Je suis gagné avec. Il faut encourager les organisations comme les pour Mambi, la nouvelle aussi dans le land. J'ai donc, dans le problème, comment c'est bien, annonce à un moment où les gens ont été déjà dans notre année. Mais, mon ami, quand même, nous ne pourrons pas problème. Il y a beaucoup de gens. Donc, annonce à nous, du cas, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Moi, je pense que le bon pétrole, l'association, il n'y a pas Extend une grande dimension à l'émission Burundi Kambano. Parce que c'est ça, voilà le fond de Sofral. Manja, ben on a mis les gars. Dans la couleur, la couleur Sofral, voilà le cas de la Sofral, on manja, on a mis les gars. Je pense que pour nous ringal. Tu es dans nous ringal, Kaira, y a bien les médias, Kaira, tu vois la Burumulal. Comme pour la Kambano, on peut tout, Kazamas bukana tuku chindo. Donc voilà, usoforan bukana kachilia kami ko Kazamas. Parce que la vérité c'est quoi? Il y a des gens qui sont wolof, qui sont plus Kazamas que les Diola. Que des certaines Diola. Ouais. Donc voilà, il ne faut pas exclure qui que ce soit. Voilà, on y a sa mobile mais canal man kayre la ñu la sinda yolo la. Et que comme madame Diouf malobuña que il faut l'implication de la diaspora. Diaspora, on trouve la quoi, bah, mon croisé à les bras. Alors, on a les cœurs à brûler. Parce que, j'aime, voilà, on a, quand on a, aujourd'hui, on a créé mes partenaires, on a diaspora. Parce que diaspora, intervention kan wol mukana sinda la erro donc c'est pour cela wala tanona nyaya to raw djurowal mano utiliser non moins les forces solaires mano sanke na ko tiolal signala ni kampolal nanu sanke na ibuka na panku djamolal donc fum wala tanona nyaya il faut pas qu'on sous-estime wala on ami yokami emission ayoli avec la radio tando ko je vous remercie donc. Et puis il faut redoubler l'effort. Alors qui est en train de faire bon travail. Aujourd'hui, les gens ne vont pas le dire. Quand on a un jamaïl, madame, parce que moi je vous ai senti. Il est en train de faire du travail. Et tu permets aux gens de s'expliquer. Certains matins, madame, peut-être que si c'est une fois ou une fois, peut-être que c'est beaucoup. C'est une association qui m'a corrigé. Toi, tu as eu l'honneur à. Les avoir au plateau. C'est parce que dans tout ce n'est pas assez important et puis c'est vrai que je vous encourage. Voilà, on a déjà beaucoup en commune avec les villages. Ça arrive au forail. Voilà, on a mon forail, on a mon conseil, on a mon travail, on a mon travail, on a mon travail. Parce que pourquoi on a beaucoup de gens, on a un original, on a beaucoup de gens qui prennent. On a beaucoup de gens qui sont le moins. Donc, ce forail, on a un général. Parce que pas du moins autant l'histoire de la Casamance. Dans mon cas, mais qu'est-ce que c'est pas du tout. Donc tu pouvais même pas voir dans une vidéo à l'instant. Tu as commencé à voir dans des plaies. Moi, je me dis que après, on est ça je merci donc Diédio, il s'agissait de Diédio de Washington. On va prendre, il y a un autre auditeur qui appelle. Ça c'est Mamadou Souté Goudiabé. Allô Souté. Oui, là. Oui, vous dites qu'en Espagne. Je ne sais pas. Et quelqu'un qui vous continue. Je suis en direct. tangi ñaayo lo may ñaaram ba wolé ci effectivement fan c'est capo ko jawlo ko yaa mano mar ko sanke ko sanke na ko fe aha dem ko re ben ci fan fan di ak sa ma yoli ma ta was bu ko ko no e ko aha ko ni so bare wonde bin ko bonum ni wo ni plus mon pas mon quand très complexe parce que nous pour un crime sur le canapé de cacho pour par exemple ma substance aussi malgré bon parce que non là donc une date pas ma dernière scène pas un ok, merci beaucoup. Donc, c'était Mamadou Souté Goudiabi depuis Espagne. Donc, Mani Badi Régime Wanda, bon matin, de temps en temps, Dani, que vous le rentrez, madame Diouf, Pandi, Jokouli, Babé, Bonnierouli, Kounene, Kaoul, Kounene, Essil, Kounene, Kapos, Niamo et Mimo. Et Dani, matin, toujours que Soumekou, quand on m'a dit là, on peut le remercier. Des pop nareg mata effectivement courage à noter courage yangi badjum bot e jaw mata ka jone nakou surtout fandi mamimi leñu fakane très important fandalabum namandu sankenalem si société so samengum les organismes samengum sonalobem si djoupo man si djoupo e bare eno organismo organisme e djunjum pour l'intérêt yata la paix yandandu sankenalem munyerio do waf wajake mais il y a un qui organise parmi les gens qui ont été en train de se faire parce que parce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit allô? Ah, comment est-ce que pour comment nous allons encore? Allô, Mouniru? Allô? Oui, allô? Oui, allez-y. Oui, allô, Nissaful, Nissaf. Nissaf. Madame Djéjou de Madame Dramé. Madame Djéjou, Madame Dramé, et j'ai cru entendre Madame Diouf, si je ne me trompe pas. Madame Diouf, pardon, Madame Diouf, yo, eh. Hey. Ok, donc j'ai dit que elle est bien bonne parce que j'ai dit que j'ai dit drame, djouf, casse-masse, yo. Nous faisons ça, nous mangeons, les retards, yo, là. Bah, là, c'est un petit casse-masse. Donc, est-ce que l'île, j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que waf ku dorlo onu manje udute kan waf waye fe ri no na ne san sera pas facile wandum futuri wo be ne te ni babare bare kan laban di musumay sun yaram de baraka bolio amen wona ni beta djum lit parce que mo sanke mom kana ko sanke nya bu ni jam jam. Il y a un retour, retour de Aoumante, ta radio de Gombolo. Ok. Et là, il y a un peu de temps avec l'audition est sur Moutoudia. Ok, d'accord. Deux secondes. Ok, là, c'est bon, j'espère. Voilà, c'est bon, oui. Ok, je disais que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Quand ils disent, si est-ce que ça va, c'est du peu de temps, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train abimé jaay man jak abimé kané man jak wala bo mangi talo donc ça sont aussi djoupo man ci djoupo é ma jaké djep man kam ma djaké woko djep so bourum ci kan ça c'est ta son sa ipé bété kan man kayra élé donc la priorité mané la djoupo la priorité des associations, moi en tant que, à mon humble avis, ne me pose pas de problème. Parce que l'essentiel, c'est que ces associations-là puissent se retrouver autour de l'essentiel. Comme la dame l'a dit, si les femmes de Ziguinchor, de Kolda, de Seydou se retrouvent autour d'une plateforme qui est la paix, donc la priorité des associations ne pose pas de problème. Mm-hmm. alors samba nombre de dunie nombre kasangas nombre amérique nombre bana samba nombre de dunie mukuru na fa fa onja mu au problematika sam nga bete kan furi fori pio mon peu pano du kure pio mon peu pano du parce que ça nas meñu manu meña le sisi sambu mi bum bum bum bum bum ajelo di mukana yo man ka nyaw di mukana yo ko bum kike ko ko baba problematika sam sa ne ri na jaja bu ci mona kam ci na sanke mu ci donc bu keenu mal fam fam man te ka créer association bété e kan problème de casamance à fouri foli bu ko ñu moye fam fam bu ko ñu moye fam fam fam fam fam donc e saline du ko campo pou jantena parce que anay tombé kayray bu ñu tané andi keur yi ñibit ka janteno parce que o barami re jay lebe am bi ay tombé kayray avec ka janté bu kanak bu mu jante bu kanak burum mu jawdi bu kanak burum manu manji alosan o fayna sofé di fatika samas parce que ana o balaw sanke no bana o mang mana jaw il faut manu manji o bena mang ne jay donc isali isal kawam burum mani tiag bu kanak mang kulab kan kara ju pola yo amin ya rabbi. Donc c'était Mouniru Diemé que bi bobabe Canada na wonko lo babe Montréal. Donc madame Diouf ou madame Dramé furima fofu rimu manté panji baj fanji bele di benen to parambala akeya wonkul manté voilà donc Diemé wali bok poné sal vraiment wali bok poné sal broka ba daka ba no miné kané inje jat nani jalo nya babe mani jam les interventions c'est sati kati la diaspora je suis rassuré que kama malegan ke sumay ku badjo kama moyu bok babe simi la som babe baraka mal yigito pe o kazamas vraiment indio moné sal woni bok moné sal même ni kare sakati association yu mbom fojo ma folo banni djuk solidarité yantoni autour de tes émissions là parce que mo ken mo rena law kana parce que djuké ja pano ne manté wala fa nu tardé à tardé parce que ba ba émission yani janténé taté fafu nak ni mati problème ay ti Casamance bare kan jammi manku intervenir pé pourtant quand même né kati Casamance ku ké ku bu kan kanu mangé né ku maman Casamance. Mais jatt manoma mami ni ka sanken ni wa bu ko ko sanken mi faf nak butiou butu yor amu manjum ati bu kan kanu manjo de ino rien compris du problème de la Casamance mi mangi mambe ka intervenir ça mais malheureusement ibaju in sort ni tay in tenti intervenir mais wa sanken ni mi faf nak vraiment o kan kan bete ñom ni bu yegit parce que nene men sénégalais je bi oké tollu totatu accuser une région dans le Sénégal, c'est très grave. Alors, nous ne sommes pas tous les gens. Moi, l'émission là, c'est très important. Je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Ça, c'est très important. Mais alors, les connaissances de l'émission, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. À la limite, je ne sais pas si je suis en train de faire ça. Je ne sais pas. Banu ne ne lereto parce que woni popa nu mari yo manu jaje manu sen Senegal buro mati le problème de la Casamance c'est un problème dans la case dans le Senegal men compete sof yo man ko le manu ramenoral ou ramenora parce que dia Casamance c'est pas mon problème mais kadjom bu ke ngone ngone mbaj problème donc ne nonane obuko ko ba problème nu ma be que premier be fere man ko no meno man ko ku nokor meno man ko ku ku meno est ce que pas ngole ndaw le ngole yo nek ci ni bu yegge d'autant plus que nu djuka djuk man problème ay ndaw meno donc ni nene yo ñi ni jangé ni jangé ni jangé yo be babé ni jams les émissions solo suñ jatt dit at jamit nenni lañé nous avons sensibilisation au niveau du Sénégal. Moi, le Sénégal, pour comprendre, Mati, problème. Soforol bare jaxuma ne manu ko ñaawalo wala manu gënoro i problème a sonna ne wala ke ko tana te ko manu régler a problème ay mani mañ mati jaati ñe bare kañum ngole ngole kanaw way yoy fa ko sanké no ray wala lu pou ñew tar ka e kande Casamance que ça soit jaat ou kajum nonu faalé manu mangalé kan ko Casamance problème ou yene te kanu la manu la jabalum le te kan man ko posa ko sima folo la le ngole ndaw donc yo pop mi ne ne yo panu sankenora bare pop panu regora malegen panu regora malegen do Senegal yo lolal vraiment foni bañene be ka benen ni insa soute gu jaar bi ci contribution yo les ni benen minero jeme sanke manegen parce que problème awuye annonsan no baba fujuma folido annonsan no baba wasa bolido annonsan no baba furima folido bare ne jay ni ka sanke nak ake panone awe kanjak kamawlene kanjak ake nangunangunang manaw jew gutoy yo na rerege yo pejjak bare nyawolali wala ulal annonsana jalo mi be djuma yati ka djuma na katika ka djone na katika za masemiti kanemi te djume non amin ya rabbi djoj famo san fuyto e be ka djume en katik mi mal legen mi mu kané mati kaza mas emite kanemi te djume non amin ya rabbi wala donc on fajene be sanke ni seno mati bu kana koku manjo bare ana annonsana manje me niye da pou man pou djum di fus kan be pat fou parce que mukane mati Casamance fusim fuy way donc ni ne ana ne mbete nge soubaj ou ne sum fo mukay bare latu ou djounou ni fusim fuy way bete baj fu baj yo ban emite kam ne tanka walani amen ano sana kan ani lati Casamance dal ou kanum totatu ni mukane mo mala foni bajene be ka sanken merci beaucoup yi benen to faké fan souté arégué aussi fakané très important bokana ko kan attention parce que nané par rapport à la libération yati les otages kan ko sofu ñaw effectivement na bokana ko jam ko la tout vraiment du contana contane parce que do benen yakara ya ndo mand yo mata comme quoi ka jamora panko yo ko bañ mata bokkan e sof bokkan kan do passé kokku la koy kayo aussi pumben di ko sofi bo ni ko garde ko kanoti waf biok emit di ko katulil man ko jol koot di ko soumay donc yaat ru man jone sansé memek ou sanke noral ma legen du la oral panu yo ko baja ko soumay tout à fait voilà c'est ça donc on va encore si juste attendre parce qu'il y avait un auditeur qui essayait d'appeler, je pense c'est Libas Kouli, voilà il est là, on va le prendre pour voir, ça devrait être allô? Peut-être l'un des derniers. Oui, allez-y, oui. Allô? Oui, Libas. Oui, tiens, mais je peux... Oui, de l'agnolo, donc tu as le micro, mais sois un peu bref parce qu'on est en donc, fin d'émission. J'aimerais juste un peu préciser par rapport à... problème technique, donc je vous donne l'information qu'au Sénégal, depuis quelques jours, la Snatel a des problèmes par rapport au réseau internet, donc il y a des difficultés, donc peut-être aussi les gens qui sont au Sénégal, les copies peuvent être liées à ça. Ouais. Moi, je vais réagir à jour par rapport à la réaction de Mme Diouf, donc moi d'abord, je donne une information, Mme Diouf, avec des amis aussi, on est en train de faire quelque chose aussi au niveau de la diaspora, bon, évidemment, nous, on n'avait pas vraiment visé le problème de la Casamance en tant que terme, le développement. Donc, il y a un site web qui a été créé. Le site web s'appelle c'est www.jasbarbignona.net. Il y a une page Facebook aussi. On essaie de faire de notre mieux. Donc, on n'est pas sur les bras croisés. Chacun de notre côté fait ce qu'il faut. En tout cas, nous de Bignona, en tout cas, avec certaines personnes, on est en train de voir comment se de créer une structure qui va regrouper la diaspora de Bignona, en tout cas, de telle sorte qu'on puisse agir de façon locale dans son développement. Pour le moment, on est au début, donc il va dire 5 mai, mais Dieu va l'aimer, peut-être un jour, on aura de la force. Une autre chose, c'est par rapport à l'intervention spécialement que tu as fait, le problème de la Casamance. Moi, je voudrais quand même qu'au Sénégal, les Casamance aujourd'hui, qu'on ait le courage, les deux journalistes en tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres que je remercie aujourd'hui beaucoup par problème de karma. Je n'ai pas libéré mes casamas. Et il y a un journaliste qui m'appelle Zéna. Parce que le problème de la casamas est sur le sol que le débat soit ouvert. Qu'on puisse en parler au niveau de la radio, qu'on puisse en parler au niveau de la télé, qu'on puisse en parler partout, que les gens puissent savoir exactement qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe. Ibrahim Gassama, fait de son mieux, on le fatigue bien sûr, en tout cas, on l'a fatigué dans le passé. Il y a ces journalistes aussi de la BGCI, je pense que Papa Alenia aussi, il fait pas mal d'émissions. Et il y a même une émission qu'il a fait, il a révélé des noms, il a invité des gens à un certain émission de la colie, un certain groupe, je pense qu'ils ont révélé des noms. Il y a le nom de Papa Seigneur qui est intervenu, il y a le nom de Cédric Jansi qui est intervenu, je crois, il y a le nom de Cédric Jansi, il y a plein de noms qui sont intervenus. Rien ne s'est passé. Et si c'était quelqu'un qui est de la classe, particulièrement un dollar, je ne sais pas, mandé, hop, on le crée des problèmes. On est où? Madame a raison. On ne peut pas résoudre le problème de la casement tant qu'on n'est pas prêt à se dire la vérité. Ça, il faut qu'on nous chasse. Soit on est sénégalais, dans ce cas, on se dit la vérité. S'il y a injustice, on le règle. On n'est pas sénégalais, on se sépare. Il faut aussi dire les choses telles qu'elles sont. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire, c'est moi je ne suis pas le genre de personnes qui sont là plus ou moins coulées. Les choses sont écrites. On est, on n'est pas. C'est ça. Si on est sénégalais, il faut qu'on réclame. Et il faut que les gens sachent une chose. Quelqu'un qui ne se bat pas, qui a perdu la bataille d'avance. Et quelqu'un qui se bat, c'est la personne qui a sur le bas. Il faut qu'on se batte, qu'on se dise toute la vérité. Qu'on se dise la vérité entre nous sénégalais, mais aussi et surtout qu'on se dise la vérité entre nous casamassé. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens, soit parce que peut-être ils sont du côté des militaires, ou alors peut-être ils sont du côté des rebelles, les gens pensent qu'ils ont le pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, ils pensent que le pouvoir est pouvoir et bon. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. En tout cas, ils n'ont qu'à savoir qu'une chose est sûre, c'est qu'une personne, quand il meurt une seule fois, et quand il meurt, il y aura des gens qui vont être là pour vivre. C'est ça que les gens doivent savoir, mourir ou pas, ce n'est pas ça qui est important. Donc, quand on a un peu de temps, et qu'il y a un diable, ah, ok, tu vas mettre des verrons. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ou quel diable, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en couronne, tu es en. Parce qu'il y a un moment rebelle, et tout le monde qui est en train de parler, voilà, il y a aussi à côté des mouvements rebelles, pas des mouvements rebelles, mais des gens peut-être des groupes armés, des familles, il y en a ça sûr. Mais que les gens arrêtent ça, le problème d'engagement, si on veut le résoudre, il faut qu'on accepte le débat. Le débat, moi je crois au débat. Comme le débat qu'on a ici, Ahmad Soula, il vient, il fait quelque chose, on y débat, quelqu'un d'autre aussi, on débat, c'est ça la question. Maintenant, quant à vouloir utiliser la cause, ou par exemple être contre quelqu'un qui est contre ce qu'on pense du problème d'engagement, ça ne va pas. Il y a pas mal de gens des MFBC. Si je vois que par exemple tu n'es pas pour l'indépendance, on doit commencer pour mon ennemi. Mais pourquoi tous les casamassés doivent accepter l'indépendance du Sénégal? Et pourquoi tous les casamassés aussi doivent aussi résoudre l'indépendance du Sénégal? Mais c'est normal qu'il y ait des gens qui l'achètent, il y a des gens qui le refusent. Le problème, c'est parce que moi je dis que l'indépendance, c'est. J'ai une fois dit à une personne. La personne m'a dit que. Bon, c'est un gars du Nord là. Si vous voulez. C'est les gens qui m'ont dit que, mais qu'est-ce que tu veux? L'indépendance, c'est pas important pour moi. C'est la casamasse indépendante. Je prends le sénégalais, c'est permis. Pour moi, c'est une question qui n'a pas d'importance. Indépendante, si la casamasse est indépendante, je n'ai pas la boule nationalité sénégalaise, je peux le faire. Où est le problème? Donc, il va dépasser. Et puis, encore, les gens, je veux vraiment croire l'essentiel qu'on arrête de se faire des menaces, je ne sais pas, de vouloir détruire les gens parce qu'on est rebelle, on est militaire, tout ça. Ça n'a pas de sens. Il faut qu'on accepte de débattre. On encourage des gens, des journalistes comme Ibrahim Gassama, comme Papa Alenia, des gens comme ça, quand même, à travers les radios et à travers des chaînes de télévision, de faire intervenir des gens qui maîtrisent bien le dossier et qui disent la vérité sur ce point. Et je te remercie, Jamie, parce que j'ai un problème, car on sent qu'il y a une bonne rythme. Excuse-moi. Merci beaucoup. Ok, donc, merci encore, Libas Koli. Je pense que c'est juste pour faire un petit résumé et si on n'a pas un autre intervenant parce qu'on est à la fin de l'émission, on va laisser le micro à Madame Diouf et Gassama pour conclure. Mais juste pour rappeler que j'ai reçu un message entre temps de Silla SOS Casamance qui aurait besoin de vos coordonnées, de vos contacts au niveau du Sénégal. Pour l'association, bon, je l'ai dit qu'il n'y aura pas de problème pendant que mettez-vous en contact, vous dites que vous avez dit c'est non ça. Tout à fait. Donc, c'est ça. En résumé, Namamboukana Kokoregoumoui, tout Casamas, Yololal, Sénégal, Yololal, Dounia et tout, Yololal. Kamaola, Kasankene, Mounye, Bayroma, Kakoko, Canada, Kakoko, États-Unis, Ban, Anosam Bandomi, Dungenes, que sous moi, Koukono, Bongore, Nola Kodia. Anosam Omni, Ban, que sous moi, Koulette. Dimire ou ba possibilité pa nou pou benen ou le problème est le que sous mes collègues tant à ou badin toi y a problème matin bano bambando jaum bouye que te boni ou moi tout pour les motos et même mon yaouna manoura comme mati la diaspora la oui ou les nouloy loi mais pour ou bouge au mot d'homme à omori et jaou de l'internet quand vous êtes voté jou ou badin simbe ou badin kazamas bâle que sous mes coco. Mais certainement, des fois, moi je parle à des amis qui sont au Sénégal, pas encore. Mais on a des gens qui occupent les courriers, ou les camions, ou les lettres, ou nous on va à nos besoins. Évidemment, parce que, à Coco, on peut empailler, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, donc, donc, mais on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, on peut dire, donc, Manikat, Madame Diouf et Madame Gatsama, pour conclure, pour le dernier mot. Je pense que ça ne doit pas être la première et dernière fois. Comme je l'ai dit, Mamadou Lamine qui est à Bignona, c'est notre représentant. À partir de Jigen Chor, on peut même, on a cette possibilité-là de faire des émissions comme ça en direct. La même chose, et puis là, vous allez le préparer davantage. Je vais le dire ici haut et fort parce que Madame Diouf dit Madame Gassama va... Madame Dramé, pardon. Hani, il est rengari, bon, vous kere. Ah non, ah ou, j'en toque. Madame Dramé. Donc, c'est par pire hasard, nous, Kembore, Bawonke, Angbok, Asanke, Nimanj, nous sanke, Mbioku, Pouror, Mouniaou. Bon, on a sauté sur l'occasion, mais ça va être mieux préparé. On va faire une autre émission à partir de Jigen Chor, là, certainement, et on pourra avoir peut-être la présidente et oh, la coordinatrice et tout le monde qui seront impliqués. Manoukane, Kemik, Kafange, Mankoudje, Sembe, et Rejei, Radio Tendouk, Yatabukana, Kouburom. Anakilut e kan mbe ungole nal du pourorel olal la communication jart dunia ando mandio c'est très important anji la korati ji sankenut panji jaw biok ji tekor ba wafukanu tout à fait mi fo manji sanke manji pouror yo kamerone manukani reje mbe bukana kus échange mandu ku pouror panu jo kamanji ande mandi sofo mana sofe kama letmo yo mi yo donc vous avez le micro madame Diouf. Voilà, merci Djemé, vous avez beaucoup bonne safi. Ni imani saf vraiment de lo kabaja ka banjo min banu miné kanay ni radio yoni yati tendu. Vraiment ingomme ne saf kulino. Parce que kasan kenya pe kulino. Amadou Silla Sunjata tijapi andu joko aparise no tout mes coordonnées wala tout pa ko pani e katen tout mes coordonnées ni ande ni pap djiju wala ni aw fani manu wala no o seno yo yati les coordonnées sati l'association yoneni mona ñu lawul ngegu mati ku sek katika zamans koku manku kembele o ngena woli bere moyol parce que ba djut ya ludul moyol moyena mi kuninoli moyena mi kunyololi moyena mi kutawoli moyena mi wano sanwololi donc woli nenu lakhe ba manu jamu ba be ni kesumay man jonni fu joj man jonni kasenu fu je man ji kembete kanay man kazama se ngole ne pak ah woli dem content content mo fagn bat kama mo bay kuline ka baje senbe mo kami leti ñone ñu noy même parce que tané ñani la contente que mama ki manjenu tumati kama fujuma fu fe fom babé ni moyo la jaspot kati espagne koku boné won kati canada koku boné won kati france kati banon sank koku boné won vraiment ay radio yé baba sembe bané mité kané mité wulu ko suma é mité tam ba banji tumni manji kati no bu kana kolu pe manji jobe ba ba loyé fu ñe saf é mité kan emité senoul fu badiaf ni ke soumay amin ya rab emité kanjila ko babe ke soumay ni di badi djoué ni di jamor pop babe parce que ka jamora ko lu kati babe ko ene ni ke soumay ko lu li kati kazamas emité kam bi di jantenor emité kam bi di bunyor emité kam bi di punyor vraiment fo mi babe mi be ka sankenu ni kare sa kati ku sek ku brom kati ka banketor bani jaw jati je riñ pani la kay ku mera ku mani legi manu passé atten koyo uju korta ni émission nous sank ora tellement ni jacket pour une campagne de tout le monde manière où ni pour pas nous pas manou aller nous en sortal et ma petite ngé c'est que sous moi pour Casamance vraiment on bon pour les salon. Merci beaucoup. Merci, merci madame Diouf. Madame Dramé maintenant pas du tout pour faire que et Hello. Amin amin ya esen ja kayra ko seko amin di jamo dimbaalo buruko buruko buruke ne fulan fuji bay tegam tegam ka gina kole bu amin ya rab di jino kayra amin ngo jalon baabi tegam jena ni kayra goto kayra ta sama amin amin ngo kontan kontan ngo buruko bulali niye ngo tan ka de ngo ko ka tan sibiye ko ful mo ko ni ni amin anam mi de e bu Et puis tu me dis, on ne peut pas quitter. Donc, on ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On ne peut pas quitter. On Amin ya Rabb. Wir ati kam anyi law na sanke senkin tu. Bara ma rek. Ke ndor boro ñu mo ngi bari wu ko sanke de ko ni bo ji limite. Limite ene yoy ñaake merci mille fois. Na ko la ñu ñu ka ni mo rek mo yoku. Ko ñu jante no ko ñu jamo ra ñu mika jak. Sunde metay, sunde metay. Merci. Merci beaucoup. Merci mo populi ko kurika duawul. Je rappelle que madame Dramé Kori, madame Diouf koku bo États-Unis pan beaucoup diablo voyage mais pas mi ko lañ et pam bu nga ra rendez-vous yaké manou lañ ya lu mikal bu kanak tout ka wonk lo mi taté ko di jamé mu ñew ka ci message ko boñ lo ko mo len ko wonk ko ko remercier wu di ko encourager wu fam fam di bu roka ba ñom meri bo et naman du lo balé mu ñew en tout cas panu soforari ko ngén manu jukal wandu bilalé et kan ensemble merci beaucoup di sa popatitorul OMI par Djéju merci. Merci. Donc, chers auditeurs, nous sommes en fin d'émission et nous vous donnons rendez-vous le samedi prochain pour une autre émission à la même heure, à partir de 13h de Dakar, 8h de New York. Et entre-temps, nous vous souhaitons joyeux Noël pour vous qui fêtez Noël. Et nous le capons, alhamdulillah, Baba Kang. Kole no la tate manko no la dunia e pane ban fu ken bare ona ko ke ruro ngale ka bu mata sa jopo e merci beaucoup merci.